Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Alors aujourd'hui, tu m'as amenée en balade dans la campagne genevoise. Il fait super beau. On est vendredi 3 novembre et il y a pile une semaine en fait, on était au centre de la photo à Genève, invité par un collectif, le Charmed Club, pour enregistrer en fait un podcast live dans le cadre d'une web radio éphémère, dans le cadre d'une exposition qui avait lieu là-bas. Et nous avons parlé de self-care, ou de prendre soin de soi, et notamment dans l'engagement militant féministe. Et en fait, ça nous a donné envie de faire un podcast crépidule, enfin une émission crépidule sur ce sujet. Mais avant qu'on commence, moi je voulais juste un peu parler de cette expérience d'enregistrer un podcast devant public, parce que c'était quand même particulier. Et ça justement, je voulais aussi parler du fait que donc toi et moi, là c'est notre 24e épisode, et on a un peu évolué dans notre manière d'enregistrer. Écoute, alors c'était très drôle parce que ça nous a reconnecté à l'importance de communiquer. Parce qu'en fait, toi, tu avais une proposition que tu as gardée pour toi. Et moi, par inculture podcastienne, j'y ai même pas pensé. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu suis des nanas suédoises qui ont un monstre succès et qui se sont mis en scène, n'est-ce pas, dans un théâtre pour faire leur podcast. Oui, donc moi j'écoute ce podcast de Liv Strömquist, qui est cette féministe, illustratrice et plein d'autres choses suédoises, et qui fait un super podcast avec une amie à elle. Et parfois, en fait, elles enregistrent leur podcast devant public. Et puis, ça reste quand même une discussion comme ça très ouverte. Puis toi, tu t'es lancée dans quelque chose au centre de la photo, là, il y a une semaine de plus, conférence devant les gens, mais qui était aussi très pro. Mais c'était pas. Du coup, il y avait une sorte de confusion. Bah oui, parce que moi, en fait, je voyais ces personnes, il y avait quoi, une quinzaine de personnes, on va pas se la raconter, il y avait 15 personnes. Et puis quand tu as commencé, effectivement, tu me regardais comme ça dans les yeux, puis moi, j'étais là, comme ça, à essayer de te dire, mais regarde les autres, incluons-les. Et c'est vrai qu'après, je me suis beaucoup penchée sur ces gens-là. Et d'ailleurs, c'était hyper chouette, parce qu'au début, on avait un peu l'impression qu'il n'y avait pas un grand intérêt pour ce qu'on allait dérouler. Et il y a une qualité d'écoute comme ça qui est vraiment devenue hyper belle, hyper chouette. Mais c'est vrai qu'on en a parlé après, je trouvais ta proposition, c'est-à-dire de faire le podcast comme à la maison, mais avec des gens, je trouve ça hyper, hyper intéressant de poser ce cadre scénographique presque, hein. Ouais, puis c'était aussi intéressant parce que c'est une nouvelle étape dans le sens où quand on a commencé à faire les podcasts, souvent, on faisait toujours soit chez moi, soit chez toi, dans un endroit comme ça, clos, fermé. Et puis, depuis la rentrée de septembre, là, cette année, on est allé dehors, en fait. On va toujours dehors dans l'espace public, c'est hyper cool. Et c'est complètement différent, en fait, d'enregistrer à l'extérieur. Où il y a quand même des imprévus, dans le sens où il y a des gens qui passent. Parfois, on se fait aussi interrompre par des personnes qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait, pour quelle radio est-ce que nous travaillons. Et puis, ouais, je trouve chouette. Toi, t'avais dit que c'est un peu que notre podcast vit son adolescence. Oui, parce qu'on pourrait associer l'enfance qui reste toute cosy à l'intérieur, toute protégée. Et c'est vrai que moi, j'avais cette excitation de l'espace public parce que je trouve que pour nous aussi, c'est notre posture de parler depuis un bureau un peu à l'écart. Et là, voilà, on est dans la vie, on est en plein cœur du chaudron. Et puis là, en plus, le chaudron, il est magnifique, il s'est paré de 1000 couleurs automnales. Ouais, mais en tout cas, cette expérience de faire un podcast devant public, moi, j'ai trouvé ça très chouette et c'est volontiers quelque chose que je ferais de nouveau. Et puis, je trouve aussi intéressant, le podcast déjà comme médium, mais aussi ce fait de faire finalement quelque chose de radiophonique, mais devant public live, c'est aussi intéressant parce que moi, je suis maintenant, pendant quelques semaines, une formation radio où justement il y a des professionnels de la radio qui viennent partager leur expérience et nous faire une formation. Et c'est intéressant parce que vraiment, il y a comme ça au sein du milieu de la radio, vraiment des gens qui se creusent la tête pour savoir comment en fait ce médium va maintenant se transformer, évoluer. Et puis voilà, je trouve qu'on est aussi on est là-dedans, quoi. C'est cool. Bon, on passe au self-care. Oui, et puis cette proposition de self-care, en fait, elle est venue directement de ce Charmed Club qui nous a proposé ce thème, qui est quelque chose qui les habite particulièrement. Donc, en fait, ils se définissent comme un écosystème relationnel en mouvement. Ça, c'est leur phrase. Et c'est un collectif qui est basé dans une ancienne pharmacie à l'ouest de Leipzig, en Allemagne. Ils ont à la fois c'est une maison, un atelier, une scène, un jardin potager. Il y a la question de la nourriture qui est très présente chez eux ou chez elles. Et c'est aussi un lieu d'accueil pour la mise en commun d'idées, de projets, de fêtes, de jeux, de discussions. Dans leur présentation, il y a justement cette notion de la préoccupation de se donner du temps et des outils pour enseigner comment prendre soin des uns des autres. Ça, c'est quelque chose qui les habite très fort. On a demandé à une des représentantes de nous en dire un peu plus. Et puis, en fait, c'est un projet qui est tout jeune, quoi, mars 2007. Donc, c'est vraiment en plein début. Alors, 2017, j'ai dit quoi ? 2007. Ah non, 2017, pardon. Donc, c'est quelque chose en ébauche. Et peut-être qu'on les recontactera d'ici quelques mois, voir comment ça prend forme. Ouais, et puis cette notion de self-care habite le collectif de Charmed Club, mais c'est aussi un concept ou un sujet en tout cas dont toi et moi nous avons beaucoup parlé. Je pense déjà un peu dans le pod, mais beaucoup aussi à l'extérieur de comment est-ce que, enfin, toi tu prends soin de toi, moi de moi et aussi nous de nous quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est fondamental à se poser comme question quand on est engagé ou juste quand on est féministe, quoi, c'est ça. Un synonyme, donc. Et moi, en fait, je me demandais si ce terme de self-care, il m'était connu avant. En fait, la dynamique, oui, mais ce terme-là, je ne suis pas sûre que je l'avais en moi avant. Et il est un peu comme allumer d'autres lumières. Même si cette question, elle est très vive en moi, par exemple, tu vois, le fait d'être restée m'occuper de mes enfants pendant de nombreuses années, ça, c'est un tel broyeur à besoin personnel d'être dans une telle situation altruiste que j'avais tout le temps cette presque une angoisse de me dire, mais est-ce que je suis toujours vivante? Est-ce que je prends vraiment... est-ce que je garde vivant toutes mes envies et mes besoins? Mais aussi, quand je dis que ça s'est venu résonner en moi, c'est que j'avais effectivement depuis très longtemps, je t'en ai beaucoup parlé, un peu cette peur du trop. Beaucoup d'activités l'année dernière, beaucoup de oui donnés aux propositions. Très chouette d'ailleurs, mais bon, quand ton col s'aligne, puis tu dis non, mais alors après celle-là, je me pose, puis en fait, il y a de nouveau autre chose qui vient. Cette inquiétude de est-ce que j'étais dans mes réserves, est-ce que j'avais effectivement toute cette énergie à disposition. Et puis en fait, la proposition de Charmed Club est venue un peu comme transformer façon crêpe cette peur en attention, c'est-à-dire en tout d'un coup me posant la question, est-ce que là ça me va, comment je choisis d'y aller, comme si ça offre en fait un temps de recul sur une situation. Et puis, ça peut se situer autant dans faire quelque chose que de rien faire, que de prendre la parole ou se taire. Ça tourne autour de ces questions-là. Et puis, ce choix, en fait, il me donne l'impression d'être plus libre que tout. Et parfois, il y a des situations où on se sent un peu coincé. Et puis, en fait, non, on a toujours une petite marge où on peut agir cette liberté. Oui, et ça résonne en moi ce que tu dis par rapport au fait de dire oui, peut-être à trop de choses. Et voilà, c'est aussi un apprentissage, en fait, de dire non, d'oser dire non. Parce que, bon, après, donc, toi et moi, on a fait aussi d'autres projets ensemble. On avait aussi ce collectif de micro-édition, par exemple. Et donc, c'est des projets comme ça qui se créent dans la militance. Moi, j'étais aussi présidente de l'association des étudiants pendant mon master, des étudiants et étudiantes. Et voilà, c'est aussi des gros boulots comme ça qu'on est engagé, mais même émotionnellement, en fait, dans ces projets. Et c'est souvent des choses qui sont très... c'est un peu tricky parce que on n'est pas toujours reconnu pour ses compétences ou pour ses services quand on est engagé comme ça. Et que, justement, je pense que le fait d'apprendre à dire non et à vraiment choisir où est-ce qu'on a envie de mettre son énergie ou pas, c'est aussi quelque chose de se préserver, en fait, et de, de produire des choses plus de qualité. Mais aussi juste pour soi-même, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais aussi, moi, ça, si je réfléchis vraiment à moi-même et comment j'ai dû, ou j'apprends encore aujourd'hui à prendre soin de moi-même, il y a aussi un rapport très fort à la culpabilité et à apprendre à ne pas se sentir coupable quand on dit non aux choses ou quand on ne fait pas toutes les choses qu'on a prévues. Bon, après, c'est aussi des histoires de ne pas se fixer des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. Donc, mais aussi de ne pas se morfondre dans la culpabilité quand on n'est pas arrivé à faire exactement ce qu'on voulait ou que les choses se passent différemment. Et une autre chose, c'est quelque chose qui me préoccupe, c'est ce truc de il faut toujours faire quelque chose et se laisser en fait le temps de ne rien faire. C'est très très dur, mais pour moi c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai appris, c'est, je dirais vraiment cette dernière année, et c'est, ouais, c'est génial. Pour moi, c'est une question de survie, le rien, vraiment. Encore, j'en parlais face à une classe d'ados à qui je donnais un atelier sur les questions de discrimination, et on faisait un petit jeu de se présenter en j'aime, j'aime pas. Et un de mes j'aime, parce que je changeais, mais je disais j'aime ne rien faire. Parce que c'est une activité à plein temps, en fait. Mais moi, vraiment, c'est un hobby. Je me couche sur mon lit et je regarde le plafond. Et j'ai besoin, besoin, besoin. Et puis, c'est ça qui me vient un peu à l'esprit dans comment prendre soin de soi. C'est une histoire, et puis je pense qu'on va en reparler aussi par rapport à l'engagement, mais c'est une histoire de temps, de varier les périodes. C'est-à-dire, voilà, trouver un équilibre quand tu es dans une période de grande activité, puis voilà, l'alimenter avec du rien. Ouais, ça te parle, toi ? Oui, et cette histoire de période, c'est aussi quelque chose que je reconnais comme ça dans mon engagement féministe. C'est que quand je me suis, disons, quand j'ai eu mon éveil féministe, c'était très fort, en fait, l'engagement, l'énergie, l'urgence de l'action. Et je me rappelle comme ça des périodes où je dormais très peu. Je faisais aussi beaucoup de cauchemars. Je me réveillais la nuit. Il y avait déjà le moteur d'analyse qui était en fonction, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'était très très très intense. Et c'était pas forcément désagréable. Mais après, il y a eu un moment où j'ai, voilà, ça, il y a eu un moment comme ça de ralentissement ou de ok, maintenant il faut que je me pose. Il faut que je prenne du recul. Et il faut que, enfin il faut, mais j'avais cette envie de laisser plus de temps passer avant de passer à l'action aussi. Donc ça, je trouve voilà, que dans l'engagement, il y a aussi différentes périodes et que c'est quelque chose qui est bienvenu, en fait. Alors, toujours dans notre préoccupation historienne ou historique, quand on fait des recherches sur ce terme de self-care, bah parce que oui, quand on tape soin de soi, c'est pas tellement des occurrences militantes qui apparaissent sur le net. Bon, donc self-care, ça sort visiblement pour la première fois dans les années 50, 1950, dans les propos d'une théoricienne américaine en soins infirmiers qui s'appelle Dorothea Orem, et qui a pensé ce concept dans ce contexte médical. Alors là, le self-care devrait plutôt être traduit comme des auto-soins, dans le sens où ça représente toutes les activités qu'une personne peut mener pour maintenir ou retrouver son état de santé. Ensuite, on plonge directement en 1988 avec le texte « A Burst of Light », une explosion de lumière de Audre Lorde. Donc Audre Lorde, elle est née aux États-Unis en 1934 et elle est morte en 1992. Et elle s'auto-définit comme noire, lesbienne, mère, guerrière et poétesse. Et on retrouve dans les médias qui parlent de cette notion de self-care un peu toujours cette même citation, donc on la reprend là aussi, qui est « Prendre soin de moi-même n'est pas de l'auto-indulgence, c'est de l'auto-préservation. Et c'est un acte de lutte politique. » Parce qu'en fait, elle était en pleine lutte contre un cancer du foie. Et puis, elle écrit dans ce texte que prendre soin de son corps lui donne, je la cite encore, « des prototypes précieux pour des luttes qu'elle mène dans d'autres domaines de sa vie. Donc là, c'est aussi puissant ce lien entre le corps et l'esprit. Dans les années 2000, on assiste à une diffusion militante de ce concept de self-care. J'ai découvert qu'il y avait sur le continent latino-américain des rencontres annuelles féministes qui s'appellent donc des rencontres féministes latino-américaines et caribéennes. Et leur douzième rencontre qui a eu lieu en 2011 portait justement sur ce thème général du self-care. Et puis, visiblement, en 2016 aussi, il y a un phénomène de buzz médiatique autour de cette notion. Et il semblerait que les recherches sur Google avec ce mot-clé « self-care » aient connu en fait un pic comme ça relatif aux 5 années précédentes, le lendemain de l'élection de Trump. Voilà, alors bon, de nouveau, quand c'est médiatisé, ça pose différentes questions. Dans la réappropriation de ce terme. Un des premiers problèmes, c'est que ça peut fonctionner comme une nouvelle injonction. Il faut prendre soin de soi. D'ailleurs, je me souviens souvent quand je quittais quelqu'un que j'aimais, je disais « Ah, prends soin de toi ». Puis après, je disais « Mais en fait, la personne, elle n'a peut-être juste pas envie de prendre soin d'elle ou pas les moyens. Donc voilà, j'ai cessé. En plus, je trouve que c'est ambigu en français parce que « prends soin de toi », c'est aussi, ça peut avoir tu vois, un sens esthétique, tu vois, genre prends soin de toi, enfin, tu vois, prends soin un peu de ta gueule, s'il te plaît. Fais des efforts. Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu lié aussi à « fais des efforts ». S'il te plaît. Oui, mais effectivement, ça fonctionne aussi comme une injonction, d'ailleurs un peu spécialement faite aux femmes avec la commercialisation de ce concept. Il y a plein de publications Instagram ou autres avec ce hashtag self-care. Puis en fait, c'est voilà, la marque, enfin le masque pour le visage, le dernier cri. Et puis avec effectivement toujours cette visée qu'il faudrait prendre soin de soi, mais dans l'optique de séduire, de plaire. Et à nouveau, qui sait qui a les moyens de se payer ce self-care complètement matériel ? Il y a aussi un autre contexte dans le monde de l'entreprise où on voit aussi toutes ces initiatives de séminaires entre collaboratrices et collaborateurs. On va faire des activités ensemble et tout, genre on prend soin de soi et puis avec quand même l'idée de travailler plus, de produire plus. Autre domaine aussi qui me semble problématique, c'est l'injonction sanitaire. Parce que alors, moi, je suis sidérée de voir comme il y a vraiment un changement de discours dans la communication faite par les assurances maladie, pour dire que c'est arrivé jusqu'aux assurances maladie, qui est avec des applications à la clé sur smartphone, que si on mène une vie saine, entre guillemets, donc du sport, pas d'alcool, pas de tabac et blablabla, et ben, on pourra même payer moins de cotisations santé. Donc ça, c'est quand même super inquiétant de mon point de vue. Oui, voilà, mais je pense qu'il y a, plusieurs sens en fait à ce self-care, ou en tout cas, il est utilisé, plusieurs utilisations de ce terme self-care. Et justement, comment faire pour ne pas tomber dans une sorte de piège néolibéral qui confondrait self-care avec des idées de self-improvement ou encore de self-examination qui laisserait en fait l'individu isolé et livré à lui-même. Donc vraiment, si on parle de ce self-care récupéré par le capitalisme néolibéral, c'est vraiment là, en fait, on risque de voiler les discriminations structurelles en disant que si chacun s'occupe de sa tronche, alors en fait, pour finir, tout ira bien. Que s'il y a un problème, alors c'est à l'individu de le régler tout seul et pas à la collectivité d'y réfléchir de manière collective. Mais voilà, c'est pas de ce type de self-care qu'on parle aujourd'hui, il me semble, et c'était pas non plus de ce type de self-care qu'on a parlé au centre de la photo. Oui, mais c'est toujours fondamental quand voilà, c'est aussi quelque chose que tu évoques beaucoup, qui est cette dimension d'autocritique, c'est de penser comment un terme peut-être récupéré, peut prendre et multivoque à plusieurs sens qui peuvent lui être donnés. Oui, après je trouve aussi que peut-être dans ce self-care récupéré, il y a un chien. Hey Yundan. Ah, je déteste. L'imprévu, ouais. C'est quand ils ont peur. Ils sont ouais, ouais. Cons, quoi. Ouais, non, c'est clair. Enfin, bref. Non, mais je trouve que c'est important aussi de dire que le self-care, c'est pas de, non plus de faire les louanges d'une sorte de bonheur comme ça, mais c'est aussi, d'après moi, la possibilité de créer des espaces safe, ou en tout cas plus safe, pour exprimer aussi le mal-être, la difficulté et les souffrances qui peuvent être conséquences d'une existence au sein d'une société extrêmement normative et aussi d'une existence militante, en fait, au sein d'une société normative. Et en faisant des recherches sur ce sujet de self-care, il y a le lien entre folie et lutte féministe qui a retenu mon attention. Et justement, si on remonte dans l'histoire, on voit que le lien entre lutte féministe et folie ou maladie mentale s'est fait tôt. Donc, par exemple, les femmes qui revendiquaient leurs droits à l'époque de la Révolution française ont été estampillées comme folles. Et l'action des femmes en faveur de leurs droits était identifiée comme symptôme ou expression de la folie. Et par exemple, concrètement, Olympe de Gouges, donc, qui est la personne qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, Olympe de Gouges donc, a été guillotinée pour, je cite, « s'être prise pour un homme d'État ». Donc elle s'est prise pour quelque chose qu'elle n'était pas. Donc elle était tarée, quoi. Et voilà, elle a aussi été traitée de folle. Et ce fait, en fait, donc ça se fait encore aujourd'hui de dire que les féministes sont un peu des tarés, quoi. Et de définir les féministes comme folles, c'est une arme comme ça qui est appliquée par le patriarcat et vraiment qui voilà, ça c'est une arme pour pathologiser les luttes, pour pathologiser les féministes, mais aussi on peut penser par exemple à l'histoire du concept d'homosexualité. Qui voilà, est aussi passé par des phases comme ça où c'était inscrit voilà, comme maladie mentale. Et voilà, on peut quand même voir comme ça que le patriarcat tend à pathologiser finalement la transgression des frontières de genre. Et puis c'est aussi sûr que de traiter quelqu'un de folle ou de fou, c'est une technique d'argumentation d'un discours antiféministe qui finalement est aussi un peu à court d'arguments. Parce que quelqu'un finalement qui est fou ou folle va être placé à l'opposé de la raison et ses propos vont être irrécevables en fait. Et c'est en fait impossible de discuter avec une personne qui est folle. On peut même pas faire partie de la discussion publique. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait aussi un lien ici dans le self-care. Finalement un peu historique avec la folie et le fait d'être traitée de folle. Mais après, il ne faut pas non plus oublier que la lutte féministe peut avoir des conséquences psychiques aussi, parce qu'elle peut être très dure, les situations vécues peuvent être très très difficiles. Et l'histoire montre aussi des exemples de personnes qui ont fini par sombrer dans la folie ou la dépression parce que leur lutte quotidienne contre un système extrêmement violent et normatif a fini par les atteindre. D'où aussi l'importance de prendre soin de soi et de s'écouter. Oui, parce que la posture sociale de discriminer, en fait, amène cette grande vulnérabilité. Et il y a des outils concrets qui ont été pensés dans différents types de mobilisations pour se préserver de cette vulnérabilité sociale, qui n'est pas forcément justement une vulnérabilité personnelle. Parce qu'on peut se sentir très puissante ou puissant, mais être qualifié comme fragile, ou tu t'évoquais cette pathologisation de l'engagement. Et de manière personnelle, on peut penser, voilà, encore et toujours à l'écrivaine Virginia Woolf avec sa notion de chambre à soi, qui vraiment fonctionne comme une métaphore de cet espace autonome que chaque femme ou chaque individu, mais là c'est vraiment situé dans l'histoire des femmes, doit se trouver pour se connecter à sa créativité personnelle. Et on retrouve cet élément qu'on a plusieurs fois abordé de safe space, donc dans cette mise en place de moments dans une non-mixité choisie, que ce soit en termes de genre ou en termes de racisation. Parce que, par exemple, dans ce contexte de lutte afroféministe, il y a une activiste, June Jordan, qui est auteure, éducatrice, qui a vécu donc, aux États-Unis jusqu'en 2002. Elle est née en 1936. Et elle a appelé cet endroit symbolique ou matériel le « living room », une pièce à vivre. Où il y a aussi Alexis Deveau, qui est professeur d'université aux Women's Studies, qui est aussi une activiste, auteure noire américaine née en 1948, qui est toujours bien vivante, qui a d'ailleurs aussi écrit une biographie d'Audre Lorde. Elle le nomme comme un « chez nous », un élément de la praxis féministe noire. Et là, on comprend mieux aussi toute cette histoire qu'il y a eu en juillet dernier en France, quand le festival afroféministe Nyan Sapo a voulu justement proposer des moments parmi leurs différents ateliers non mixtes en termes de personnes racisées. Et alors vraiment, ça a soulevé ce tollé hallucinant. Ben là, on comprend mieux l'histoire dans laquelle cette proposition s'est faite. Et puis juste rappeler au passage que, alors que c'était le cas, finalement, le festival n'a pas été menacé, a pu se tenir. Mais par contre, les ateliers non mixtes ont dû être organisés dans des endroits privés et pas publics. Rappeler aussi, si on est toujours dans cette posture autocritique ou critique, que cette notion de safe space, d'endroit sécur, elle est aussi critiquée dans le sens où, on l'avait déjà évoqué, il n'y a pas d'endroit qui soit absolument sûr. Si on prend le contexte d'un groupe qui serait non mixte en termes de genre où il y aurait que des femmes, c'est clair que dans le groupe de femmes, il y aurait encore des différences, des jeux de pouvoir qui pourraient être présents, que ce soit en termes d'érudition, de capacité à formuler ses idées, à prendre la parole, de beauté aussi, il ne faut pas se cacher. Enfin, voilà, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre complètement hors relation de pouvoir. Donc, il y avait cette notion qu'on a évoquée d'un endroit plus sûr, un « safer space ». Et puis aussi l'idée que, et ça c'est une question qui est très présente dans cette notion de self-care qui est entre l'individuel et le collectif, c'est que être trop préoccupé par développer un endroit sûr hors discrimination, ça peut entraver le fait de développer des outils qui permettent justement de s'équiper dans les sociétés discriminantes et de se confronter à ce qu'est un peu le vrai monde. Mais voilà, on en revient, je trouve, à cette temporalité dans l'engagement, parce qu'il faut de tout. Je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais ça, c'est intéressant d'avoir l'un et l'autre, des moments de recharge dans des endroits plus confortables et idéologiquement pour se recharger. Et dans un sens, c'est ce qu'on vit avec Crépidule, c'est que c'est une grosse bouffée d'oxygène qu'on s'offre de se retrouver les deux, de choisir un sujet, enfin d'avancer là-dedans. Ça fait comme un îlot dans lequel on se retrouve. Oui, tout à fait. Et aussi quand tu parles de je pense que Crépidule pour nous c'est un safe space, en tout cas un safer space, et vraiment un moment aussi de recharge de batterie. Mais je pensais aussi à l'importance d'avoir quand même, des espaces comme ça où on se sent plus sécure. Parce que, après, ça dépend aussi de beaucoup de facteurs, mais c'est difficile de vivre dans une société normative qui ne reconnaît pas certains corps, certains individus qui ne reconnaît pas les individus hors normes et qui va... comme ça, qui va en fait les invisibiliser et donc les éliminer. Et ça, je pense que, moi, je ne peux que parler de ma posture, de ma place, quoi, en tant que femme blanche, hétéro, quoi. Enfin, donc, il y a aussi plein de discriminations que je ne vis pas du tout et que je pense aussi plein de discriminations que je ne vois pas. Mais après, aussi, beaucoup de témoignages quand même qui racontent cette lutte aussi de finalement quelque part contre soi-même, parce que évidemment quand on vit dans une société on s'approprie aussi les codes, les normes de cette société, et on va finalement si la société elle ne te reconnaît pas parce que tu es hors norme, et ben ça va être difficile pour toi-même aussi de te reconnaître. Et voilà aussi à ne pas adopter ou à en tout cas déconstruire ces comportements d'autodestruction aussi, pour ne pas jouer le jeu d'une société qui voudrait éliminer toute personne qui transgresse ou qui voudrait éliminer toute personne, mais qui voudrait éliminer toute transgression des normes. Oui, ça c'est aussi, c'est une dimension fondamentale que tu évoques là, c'est dans ce self-care, c'est se redonner la dignité d'être digne d'attention et de soins, et aussi d'amour. Hein, qui, alors là, vraiment, ça agit comme un renforcement dans la lutte. Et par rapport à ça, j'avais envie de te lire un bout d'un bouquin que j'ai dévoré ces 10 derniers jours, qui a été publié sous la direction de Leonora Miano, qui est une écrivaine afrodescendante qui a migré en France, je crois qu'elle avait une vingtaine d'années, à Paris. Et voilà, elle a écrit plein de romans, on mettra ça en lien. Et là, elle a dirigé un ouvrage qui s'appelle Marianne et le garçon noir. Marianne représentant l'État français post-colonial. Donc quand on dit post-colonial, c'est pour dire que c'est pas des étapes qui sont complètement différentes et scindées, mais c'est que la période coloniale a eu des influences sur l'organisation actuelle. Et puis voilà comment elle a posé la question à différents hommes noirs qui ont la plupart grandi en France. Comment se construire dans cette masculinité qui leur est niée en tant que jeune homme noir ou homme noir, dont on attend d'eux qu'ils soient ou des gentils clowns, ou des bons danseurs, ou des bons sportifs, mais à qui on nie tout potentiel de prise de pouvoir. D'ailleurs, si on réfléchit, là, en tout cas, dans l'époque contemporaine, des hommes de pouvoir noirs dans l'État français, non. Oui, des femmes noires, mais pas des hommes noirs, c'est beaucoup plus menaçant. Donc voilà, ces différents témoignages en fait réfléchissent à comment se construire avec des modèles positifs en tant que comme noir. Et là, en l'occurrence, c'est une poétesse qui a produit un texte dans ce livre et puis qui répond à des questions que lui pose Leonora Miano. Et elle lui pose donc la question: que représente pour toi l'amour entre noirs et quelle importance cela revêt-il? Alors là, c'est le contexte de la question, mais on peut vraiment le mettre dans l'idée du self-care. Elle répond donc: à quoi Naru, je mettrai aussi ses références sur le poste. J'ai remonté ma généalogie du côté maternel sur 250 ans, dans l'État de Caroline du Nord. Mes aïeuls ont travaillé dans les champs et dans les maisons, leur rapport aux plantes associant la dimension spirituelle liée aux savoirs ancestraux et les impératifs matériels de leurs conditions. Elles ont planté le tabac, la canne à sucre, le coton. Mes mères furent séparées de leurs enfants, de leurs amants, coupées de leur humanité. Elles travaillaient jour et nuit. Imagine le fouet sur ton dos. Combien on peut avoir le cœur lourd, le désespoir, la douleur. Ton corps mis en vente et acheté, devenu un objet du bétail, un utérus, une tombe. Les corps ensanglantés, mutilés, comme cet arbre se déployant sur le dos de Seth. Où que tu poses les yeux, tu es assailli. Nous avons été et continuons à être attaqués. Notre existence, notre humanité reste menacée. Oui, l'amour que nous nous témoignons les uns aux autres est une forme de pouvoir. Un massage des pieds, le rire d'un bambin, des sœurs se tenant par la main, l'étreinte de ma mère après mon retour d'un long voyage à l'étranger, Coltrane et Miles, Makeba et Fela sur la platine, un orgasme infusant patiemment pour dominer la langue parlée par un amant, la plénitude du plaisir humain, la joie. Où que nous nous tournions, nous sommes attaqués. Nous ne nous laissons pas duper par le mythe selon lequel cela appartiendrait au passé. Faire en sorte de nous aimer, de préserver nos cœurs, de partager, de créer des espaces de douceur pour les uns et les autres au milieu de tout cela, hier et aujourd'hui. Telle est notre arme la plus puissante et dans certains cas la plus convoitée. Bon, avec ces différents exemples qu'on a traversés, on voit que l'usage de ce terme aussi, il dépend de self-care, il dépend de l'endroit ou de la personne qui l'utilise. Par exemple, un selfie d'une femme blanche à moitié dénudée qui aura cet hashtag, ça raconte un certain type d'histoire. Puis quand c'est un jeune homme trans qui fait un même type de selfie dans la même position, aussi partiellement dénudé ou dénudé, avec le même hashtag, après que deux personnes trans se soient fait assassiner aux États-Unis quelques jours avant, on voit bien que ça raconte autre chose. Oui, c'est sûr que c'est pas la même chose si quelqu'un qui est encore considéré comme hors norme poste une photo d'elle ou de lui nu dans un bain à bulles. C'est pas la même chose que si une jeune femme blanche mince qui correspond tout à fait aux normes de beauté poste une photo d'elle dans un bain à bulles. C'est pas le même self-care finalement, ou en tout cas c'est pas, il y a pas la même charge militante. Oui, et pour aussi continuer dans le contexte queer et puis de montrer comme cette histoire de prendre soin de soi peut transformer une discrimination en fierté ou en rassemblement, on a vu apparaître le queer self-love comme un hashtag après la tuerie d'Orlando en juin 2016 en Floride, qui illustrait aussi des selfies publiées sur les réseaux sociaux. Ce mouvement de transformation des discriminations, de l'insulte en fierté, on retrouve dans les slogans « Black is beautiful » ou la « Gay pride », la fierté d'être gay. Il y a aussi ce fameux feel-good movie « L'ordre divin » de Petra Volp, où c'est rigolo, le premier geste qu'elle marque très fort de recontact à soi et après d'engagement féministe, c'est d'aller se couper les cheveux et de s'acheter des habits comme des actes qui symbolisent le fait que ce personnage, qui est présenté dans la première partie du film comme s'occupant essentiellement des autres tout au long de ses journées, dans les tâches domestiques, le soin de son beau-père, de son mari, commence enfin à se connecter à elle-même, à ses envies, et à partir de là, pouf, elle sera, plus rien ne l'arrêtera. Ouais, il est excellent ce film, si jamais. Mais je trouve aussi là qu'on peut réfléchir au fait que parce que du coup, on a ce truc de self-care, et self-care dans le féminisme, et c'est un acte militant, le fait de prendre soin de soi. Mais il y a aussi un truc où je suis là un peu, mais on peut aussi se remettre un peu ça en question, dans le sens, est-ce qu'en tant que féministe, il faut vraiment que tout et exactement tout ce qu'on entreprend doit être défini comme politique, et que si on aime se maquiller, on doit avoir une sorte de justification politique là derrière, il y a comme ça quand même en tant que féministe une injonction à tenir une sorte de cohérence politique absolue que je trouve faut faire un peu gaffe, et parce que quelque part je veux dire aussi il faut accepter qu'on n'est pas en dehors de la société. Et je peux très bien comprendre qu'une féministe s'intéresse, je sais pas, au maquillage, au vernis à ongles, qui va faire, moi par exemple, j'adore ça, et qui va faire un vlog sur ça ou tenir un compte Instagram, qu'en sais-je, mais finalement, on s'en fout pas mal de savoir comment cela s'insère dans sa militance ou non. On a aussi le droit d'avoir des hobbies, hein, s'il vous plaît. Ou même, on a aussi le droit de se professionnaliser dans le vlog de maquillage. Je pense que l'important, c'est aussi de ne pas juger trop rapidement non plus au sein même des féminismes. Et on parle souvent de soi, toi et moi, une discussion, une autocritique féministe est saine et nécessaire. C'est nécessaire d'avoir une remise en question constante, mais par contre, attention à ne pas faire une sorte de police féministe. Et dans ce terme que tu utilises de tenir, où il faudrait toujours tenir, ça me fait penser à cette histoire où il y a un livre qui est paru en 2008 qui s'appelle « What the point of a revolution if we can't dance ?» J'adore. Quel est le sens de mener la révolution si on ne peut pas danser ? Et voilà, ces deux auteurs, Jane Berry et Yelena Dordevich, qui interrogent une dizaine d'activistes féministes aux États-Unis. Et il y a par exemple le récit de cette Susan Wells, qui en fait, elle a fondé un lieu de retraite, un ranch, pour que les activistes viennent se reposer. C'est vachement bien ça, ça pourrait être notre prochain projet. Et en fait, cette Susan Wells, elle parle d'une éthique de travail préjudiciable dans laquelle les activistes particulièrement féministes sont encouragés à tout le temps passer outre leurs propres besoins pour atteindre l'objectif final. Et puis... voilà, qu'on devrait tout le temps être engagé dans cette lutte un peu contre le Goliath de l'injustice sociale, indépendamment du coût personnel que ça coûte. Et puis alors elle souligne, c'est là où je voulais en arriver, elle souligne l'ironie du fait que quand elle a ouvert sa maison, en tant que refuge, je précise, gratuit, hein, c'est all inclusive gratuit pour les activistes, il y a près de 20 ans, elle a envoyé 3000 invitations et il y a seulement 30 personnes qui ont postulé en disant non qu'elle ou leur organisation ne pouvait simplement pas se permettre cette pause. C'est fou, non ? Voilà, alors je pense que pour terminer, il y a cette question de mener ce self-care de manière non pas chacune pour soi cachée, mais de collectiviser ce soin à soi. Et puis, allez, du coup, je fais un petit teasing parce que je suis en train de lire un autre ouvrage dont je veux vraiment vous reparler, d'Elsa Dorlin, sur l'éthique de l'autodéfense, voilà, où elle prend des moments clés comme ça de l'autodéfense militante. Et elle évoque le fait que les suffragistes anglaises, dans leur lutte, se sont équipées avec l'outil du jujitsu. Je savais bien que ce n'était pas pour rien que je le faisais celui-là, pour se défendre contre la police notamment. Et voilà, on en reparlera parce que ça, c'est justement une manière de s'être équipé collectivement dans ce self-care chéri. Oui, on se réjouit. Voilà, on clôt. À dans 3 semaines. Tchuss. Tchuss. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.